toujours pas ça? Pour nous, et ça c'est un slide qui est important parce que ça va permettre de comprendre aussi quand on en parlera la semaine prochaine comment on va intégrer oui, non, un peu, pas du tout les réseaux sociaux en entreprise. C'est de voir finalement quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui à travers les portails intranet. Sans trop de surprise, on voit qu'en numéro 1, vous avez l'annuaire interne. Les données des membres du personnel, mail, téléphone, GSM, pour pouvoir se contacter, c'est normal. En numéro 2, c'est assez logique aussi, c'est la base documentaire, c'est l'information dont on a besoin pour faire son boulot. Donc il faut structurer, archiver, documenter toutes ces informations. Même chose, agenda partagé, et vous voyez que c'est en augmentation. Puis vous avez le webmail. Oui. J'en ai une question, tout à l'heure vous avez parlé de la vidéo. En fait, qu'est-ce que vous entendez par la vidéo sur, par exemple, une téléconférence, ça rentre dans le... C'est de la vidéo institutionnelle montée, non, diffusée ou... Non, quand on parle de vidéo, c'est vraiment de la vidéo, on filme, on fait un reportage, on montre, on publie. Si c'est de la conférence, de la vidéoconférence ou d'autres, ça fait partie des outils de partage, mais on ne va pas mettre ça dans la vidéo, pas dans ce que vous avez vu tout à l'heure. On est vraiment dans la vidéo produit d'information. Ok ? Alors, le webmail, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on parle de webmail ici en entreprise ? C'est l'accès extérieur. Si vous avez un webmail, ça veut dire que le personnel de votre entreprise va pouvoir attraper ses mails même s'il est en dehors. D'accord ? Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est quand même relativement importante aussi. Et puis vous voyez, espace de travail collaboratif, messagerie instantanée, webconférence, on vient d'en parler, forum, wiki, blog, organigramme dynamique, système d'innovation participative. Vous voyez que toutes ces fonctionnalités que je viens de citer, à partir du webmail jusqu'au dernier, ce sont finalement des fonctions de réseaux sociaux que vous retrouvez sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc. D'accord ? Donc, ces fonctionnalités existent déjà pour une bonne part dans pas mal d'entreprises. Et existent déjà depuis un certain temps. Ici, je vous présente des chiffres 2014-2015, mais je peux vous dire que ça existait déjà dans les années 2000 aussi. Donc, ces fonctionnalités, dans le début des années 2000, ces fonctionnalités existaient avant même qu'on ait l'explosion des réseaux sociaux en externe. Et ça va expliquer, on fera le lien la semaine prochaine, pourquoi dans certaines entreprises, ça ne fonctionne pas très bien de lancer les réseaux sociaux parce que ça ne répond pas vraiment à un besoin, puisque ces besoins sont déjà remplis par toutes ces fonctionnalités. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, si vous regardez les carrés en gris, ce sont les fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, mais qui le seront. Et on est en forte augmentation sur tous les outils qui sont des outils collaboratifs et des outils de réseaux sociaux. D'accord ? Les autres l'étant nettement moins, et là où vous voyez l'explosion, j'ai à nouveau pas les chiffres 2017, mais ce serait intéressant, vous voyez que espace de travail collaboratif, on y va. C'est vraiment quelque chose qui se met en place. Donc je peux que vous inviter aujourd'hui à plonger là-dedans si vous ne me connaissez pas encore, à vous renseigner, à voir comment ça fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients, parce qu'en entreprise, vous allez très vite vous retrouver là-dedans. Et qu'on vous demandera évidemment d'être productif là-dessus. C'est moins intéressant. Ça aussi. Je n'en suis pas certain, hein, parce que sinon on n'arrivera jamais au bout. De nouveau, un slide qui est intéressant en matière d'espace collaboratif. Vous voyez qu'on en crée des différents, que ce soit sur le plan de l'organisation, des communautés de projet, mais on crée maintenant des espaces métiers, des communautés d'équipe, des communautés de pratique ou par espace géographique si vous êtes une entreprise à l'international. Donc, vous voyez qu'on crée de plus en plus de communautés différentes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir un travail important de la com interne pour faire en sorte que ces communautés se parlent aussi entre elles et sachent qu'elles existent pour ne pas se retrouver avec finalement, comme je vous disais tout à l'heure, une nouvelle forme de silo à l'intérieur de l'entreprise. Confidentialité. Ça, c'est assez intéressant aussi. Alors, vous voyez que la majorité, on va dire deux tiers, hein, c'est pas une majorité écrasante, sont des espaces intranet totalement verrouillés, totalement fermés. On veut assurer une confidentialité totale. Mais vous en avez 58, alors je ne sais pas comment ils ont fait leurs additions, qui sont annoncés comme étant mixtes. Ça veut dire que vous avez un accès possible de l'extérieur. Et 45% ouverts. Et je me demande vraiment comment ils ont fait leurs additions. Ok. Dans certaines entreprises, il y a plusieurs types d'espaces accessibles en même temps. Donc vous avez des entreprises qui à la fois ont des espaces totalement fermés, des espaces mixtes et des espaces ouverts. D'accord ? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir quand même qu'on a des espaces ouverts relativement importants. À quoi ça peut être lié d'après vous ? Pourquoi est-ce qu'on va trouver beaucoup plus d'espaces ouverts aujourd'hui qu'il y a quelques années? Il y a 5-10 ans, on n'en parlait pas du tout. Hein. Les espaces ouverts, ils étaient à zéro. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on part vers des espaces ouverts en portail intranet? C'est la mobilité du travail, c'est le télétravail, c'est l'accès à partir de vos smartphones, de vos tablettes, qui impose d'avoir cette ouverture. D'accord ? Donc, aujourd'hui, les entreprises sont obligées de travailler aussi sur ce qu'elles appellent la confidentialité ou sur des règles de gouvernance parce qu'elles sont obligées de plus en plus de travailler aussi avec des espaces ouverts. Alors, la gouvernance des espaces collaboratifs. Vous en parlez, hein, rôle qui est normalement ou qui devrait être dévolu à la communication interne. Quels sont les critères qui vont mener à la création d'un espace? Parce que vous imaginez, on ne peut pas laisser tous les collaborateurs créer un espace dès qu'ils en ont envie. Si vous avez une société de 500 personnes et que 500 personnes créent leurs propres espaces collaboratifs, ça part déjà dans tous les sens. Donc vous avez en numéro 1, comme critère, le besoin d'avoir une série de personnes qui travaillent autour d'une même problématique. Les décisions, donc la communication des décisions de la direction. des communautés pour le lancement, le suivi de projet. Et puis le reste, c'est pas vraiment de critères. On l'a laissé s'ouvrir sur simple demande sans qu'on mette de restrictions, en tout cas pour l'instant. D'accord ? Ça montre quand même qu'il y a une réflexion dans l'entreprise qui est de dire il faut qu'on mette des critères pour créer les espaces collaboratifs. Sinon, ça va devenir totalement anarchique. D'accord ? Et à nouveau, c'est un rôle dans lequel la communication interne doit pouvoir travailler. Ça, c'est aussi intéressant. Appropriation des outils collaboratifs. La conclusion est dans le titre « En évolution lente ». Et vous le voyez, hein, la majorité des outils utilisés ponctuellement ou par certaines populations. On n'est pas encore dans une utilisation massive. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous indique ? Pourquoi on est encore dans ce type de résultat ? C'est lié à quoi ? Problématique de changement, vous vous rappelez ? On a vu hein, la courbe du deuil et le temps que ça peut prendre pour certaines personnes. Donc quand on est dans des changements organisationnels profonds et travailler en espace collaboratif pour les personnes qui bossent depuis plusieurs années, c'est un vrai gros changement, mais ça prend du temps. Alors ça aurait été intéressant de pouvoir corréler ça avec les générations ou les âges des personnes aussi. Hein, donc je ne vais pas présumer de ça, mais on pourrait poser l'hypothèse que c'est peut-être aussi plus difficile d'entrer dans ce type d'espace pour les personnes plus âgées dans les entreprises. Donc, c'est une information que vous devez aussi prendre en compte si vous atterrissez dans le mois de mai, là. Donc, dans 14 mois, vous êtes sur le marché du travail. Ok, c'est demain. Et puis en stage, encore bien avant ça, ben vous allez être confronté peut-être à ce genre de choses et peut-être aussi à des directions qui vont dire mais il faut faire des campagnes de com pour accentuer l'utilisation des outils collaboratifs, etc., etc. Vous devez tenir compte de la sociologie, de la population, de l'entreprise concernée et pouvoir aller revoir ce type de chiffres aussi pour en tirer des leçons et interpréter les choses. Ça, on l'avait vu. Oh. Réseaux sociaux. On va parler des statistiques des réseaux sociaux aujourd'hui et en entreprise et de l'utilisation la semaine prochaine. L'intranet met-il à disposition des fonctions de gestion de son réseau interne ? Vous voyez que c'est quand même encore relativement limité. Pour beaucoup, d'accord, on va déjà avoir une fiche enrichie de chaque membre du personnel. Mais après, bon, on anime un peu le réseau, on a quelques outils de mise en relation, ça augmente un petit peu, mais c'est quand même plutôt timide. Par contre, vous voyez que assez massivement, ils ont tous l'intention d'investir dans ces différentes fonctionnalités pour l'année qui vient et de mettre ça à disposition des membres du personnel. Donc, c'est aussi une tendance assez marquée. Est-ce que votre intranet met à disposition des fonctions de partage, des vraies fonctions de réseaux sociaux du type enquête en ligne, like, publier des commentaires, publication sur son propre profil, recommandation de contenu, repartage d'informations, donc de posts. Ben, de nouveau, vous voyez que même si c'est en augmentation, c'est encore relativement timide. Hein. Publication de commentaires, 33%, live, 35%, on est encore loin de l'utilisation massive comme on peut en faire sur les réseaux sociaux que nous connaissons. De nouveau, il y a une explication à ça. C'est le fait que toute une série de fonctionnalités sont déjà remplies de par les outils et fonctionnalités qu'on a vus précédemment, mais aussi parce que vous n'avez pas le même public. Imaginez que vous êtes maintenant dans votre entreprise ou organisation et vous voyez passer différents messages sur l'intranet. Est-ce que vous allez liker aussi facilement que vous le faites sur Facebook ou Instagram aujourd'hui ? À votre avis ? Non ? Pourquoi non ? C'est exactement ça. Dans toutes les fonctionnalités de réseaux sociaux que vous connaissez dans l'entreprise, vous allez, en tout cas si vous êtes récemment engagé, faire une forme d'autocensure pour éviter qu'il y ait, parce que vous avez liké quelque chose ou posté un commentaire, une interprétation de qui vous êtes ou de la façon dont vous faites votre travail. Et parce que c'est votre employeur et vous n'avez peut-être pas envie que soit que vous ayez une mauvaise évaluation, voire même qu'on vous vire parce que vous avez liké le poste du délégué syndical le plus virulent de l'entreprise et vous ne saviez pas qu'il était délégué syndical, mais vous trouviez que ce qu'il avait posté était intéressant et puis boum. D'accord ? Donc ça freine l'utilisation de ces fonctionnalités de réseaux sociaux en entreprise et ça explique en partie ces chiffres, même si, heureusement, c'est quand même en augmentation. De nouveau, vous voyez que il y a une tendance assez forte de continuer à développer ces différentes fonctions. Ça c'est moins intéressant. Alors je vous disais que on est en train d'accélérer dans les entreprises sur les portails intranet la publication de tout ce qui est image, que ça soit photo, illustration, vidéo, présentation, PowerPoint, prédit ou autre. Je pense que c'est assez éloquent. Vous voyez. C'est vraiment une tendance très à la hausse. Et ça va continuer. Je crois qu'il se passe d'autres commentaires. Avec de nouveau une tendance pour encore améliorer les choses. Même chose sur la gouvernance en matière de réseaux sociaux. Enfin, il n'y en a pas encore énormément qui ont mis en place les règles de gouvernance, mais vous voyez que c'est aussi en croissance assez forte et le besoin s'en fait sentir. D'accord ? Ce sont des demandes que j'ai moi aussi de plus en plus souvent de la part de l'un de nos clients de dire, tiens, est-ce que vous n'avez pas des exemples de chartes d'utilisation de réseaux sociaux et autres ? Parce qu'on doit absolument mettre quelque chose en place pour notre personnel. Alors que ce soit les comportements, les procédures de création de communauté, procédures de modération, de fermeture de communauté, etc., etc. Mais de plus en plus, l'entreprise ressent le besoin de mettre un cadre minimum là-dessus. D'accord ? Donc ce que les réseaux sociaux n'ont pas réussi à faire à l'extérieur, l'entreprise va le faire à l'intérieur. Que vous allez avoir une utilisation tout à fait différente des fonctionnalités de réseaux sociaux dans les entreprises que celles que vous connaissez aujourd'hui et que vous pratiquez très probablement quotidiennement. Ça, c'est pas mal aussi. on a créé des community managers pour les sites et les réseaux sociaux externes, mais autant on ressent le besoin de, d'en créer aussi à l'intérieur. Alors, ce n'est pas encore vraiment énorme, mais il y a une certaine tendance qui se dessine dès que on est sur des entreprises plus importantes. Ça, on avait déjà vu. Ça aussi, c'est intéressant pour vous. De nouveau, ça vient illustrer un petit peu ce que vous dites depuis tout à l'heure. La priorité dans les projets numériques des entreprises, c'est continuer à développer l'intranet. Ensuite, les plateformes collaboratives. Et les réseaux sociaux viennent un peu plus loin. D'accord ? Parce qu'on est toujours dans cette logique d'efficacité, d'efficience et de faire en sorte de mettre en place aussi les outils dans le bon ordre. Ça ne sert à rien que vous mettiez en place un réseau social en entreprise si vous n'avez pas un intranet qui a une performance minimale pour le partage de l'information. Aussi, c'est une info intéressante. Quels sont les sponsors des projets numériques? Autrement dit, qui porte les projets, qui les propose et les suit? Ben, vous voyez que majoritairement, c'est le responsable de com devant le responsable informatique. Et il faut qu'il reste devant. Donc, je vous invite à soutenir ces projets-là aussi. D'accord? Donc, ça montre bien le rôle qu'a la communication et la communication interne dans toute cette évolution du numérique à l'intérieur de l'entreprise. C'est moi. Vous voyez aussi qu'à partir du moment où on met en place des outils numériques, on pense à mettre en place des outils de mesure derrière pour voir comment ils sont utilisés, parce qu'évidemment l'entreprise ne va pas mettre en place les outils internes si on ne les utilise pas. Voilà. Donc c'est aussi, je dirais, relativement basique pour l'instant. On se contente dans une majorité des cas d'analyser des logs, mais de plus en plus, on va vers une série d'outils qui vont pouvoir permettre d'affiner les choses et de mesurer réellement ce que sont les besoins des collaborateurs. Consultation à distance. Bon, c'était apparemment assez stable entre 2014 et 2015. Il y a une forte chance quand même que ça ait encore progressé, et notamment au niveau des smartphones. Parce qu'il y a pas mal de projets qui étaient en cours, et ça va aussi être l'effet des intentions de développement qu'on avait vues dans les slides précédents. Mais vous voyez que consultation à distance à partir d'un PC portable, c'est quand même plus de 3/4 des entreprises qui le proposent, qui ont donc développé la fonctionnalité pour pouvoir le faire. L'usage à distance, c'est normal, c'est un peu moins intéressant. C'est aussi une info intéressante, mais qu'il faut pouvoir interpréter. Recul de la mutualisation des dispositifs web internes et externes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans les chiffres, vous voyez que ça descend un petit peu, même si c'est relativement stable. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est que, dans, on va dire à partir de 2010-2011, vous avez eu un courant de, entre guillemets, spécialistes de com, qui ont commencé à vendre l'idée que communication interne et externe, on va fusionner tout ça, il n'y a plus de raison d'avoir de différence, surtout qu'on a aussi la même technologie qu'on peut mettre à disposition. Et il y a eu un début de courant vers ça. Et vous voyez ici que ça freine. Ça ralentit, ça risque même de ralentir encore plus fort, en tout cas je l'espère, quand on verra les chiffres actualisés. Donc ça signifie que s'il y a eu ce courant il y a quelques années, très peu de temps, moins de 10 ans, aujourd'hui on se rend compte quand même que ouais, mais il y a des différences fondamentales, donc on ne peut pas mutualiser les outils. Même si ces outils ont des fonctionnalités identiques, il y a de telles différences dans les informations qui sont partagées ou dans la manière dont c'est utilisé qu'on ne peut pas les fusionner et qu'il faut garder des plateformes qui sont séparées. D'accord ? Donc c'est aussi un enseignement qui est relativement intéressant. Voilà. On a vu, je pense, ce qui était le plus intéressant pour vous. Je ne vais pas vous noyer avec le reste. Est-ce que vous allez nous envoyer le PDF? Je vais vous mettre ce PDF sur, sur Cléo. D'accord. Il est là à titre informatif. Ok. Vous n'aurez pas de questions à l'examen là-dessus. Hein. Ne soyons pas fous. Sauf si vraiment vous en voulez. Non. D'accord. Ok. Mais je vous le mets à titre informatif parce que je pense que ce sont vraiment des données qui sont intéressantes pour vous. Si tout d'un coup vous vous trouvez dans une situation où on vous demande aussi d'aider ou d'argumenter, mais tiens, nous on n'a pas encore de portail intranet, ou bien on doit un petit peu le retravailler, on voudrait mettre en place un réseau social, mais on ne sait pas oui, non, pourquoi, comment, lequel, mais ce sont des données qui sont quand même intéressantes pour vous aider à argumenter et aller chercher sur Internet d'autres types d'études qui vous parleront de ça aussi. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ça on verra la semaine prochaine, mais à l'heure actuelle, vous avez quand même 6 entreprises sur 10 qui décident de lancer un réseau social et qui se prennent les pieds dans le tapis. Pas qu'elles n'en avaient pas besoin, mais juste parce que l'analyse n'a pas bien été faite. Et l'analyse n'a pas bien été faite parce qu'on n'a pas tenu compte de ce type de données, parce qu'on n'a pas pris une photo complète de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ça va? Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.